La poésie philosophique et religieuse chez les Persans d'après le Mantique Utaïr, ou le langage des oiseaux de Fariduddin Attar. Nous voyons enfin les 30 oiseaux élus arriver auprès de Simorg, de 7 oiseaux mystérieux dont le nom signifie 30 oiseaux. Ainsi ils se retrouvent eux-mêmes dans Simorg. C'est, pour me servir des expressions sophiques, le rayon qui retourne au soleil, la goutte d'eau dans l'océan, le tesson à la terre. Écoutons la description de ce moment solennel. Alors ils virent, dit Attar, cette majesté qu'on ne peut décrire et dont l'essence est incompréhensible, cet être qui est au-dessus de l'esprit, de l'intelligence et de la science. Alors l'éclair de la satisfaction brilla pour eux, ils virent sans monte s'évanouir en un clin d'œil comme s'ils étaient consumés par le feu. Ils virent réunis des milliers de soleils plus resplendissants les uns que les autres, des milliers de lunes et d'étoiles toutes extrêmement belles, et ils restèrent étonnés et agités comme le vacillant atome. Un noble chambellan d'entre les officiers du roi, qui vit ces 30 malheureux oiseaux, sans plumes ni ailes, et l'esprit abattu, leur demanda d'où ils venaient et pourquoi ils s'étaient rendus en ce lieu. « Nous sommes venus, répondirent-ils, afin que Simorg soit notre roi. L'amour que nous ressentons pour lui a troublé notre raison. Pour suivre la voie qui devait nous conduire à lui, nous avons perdu notre esprit et notre repos. Il y a longtemps que nous avons entrepris ce voyage, nous étions alors des milliers, et 30 seulement d'entre nous sont arrivés ici. Nous sommes venus de bien loin, espérant pénétrer auprès de cette sublime majesté, et d'être enfin favorisés de son bienveillant regard. Le chambellan fait d'abord des difficultés, il leur dit que le roi n'a pas besoin d'eux, avec vous ou sans vous, ajoute-t-il, il subsistera éternellement. Des milliers de mondes pleins de créatures n'ont pas plus de valeur qu'une fourmi à la porte de ce roi. Ce chambellan de la grâce, comme le nomme Attar, les introduit enfin. Alors un monde nouveau se présenta sans voile à ces oiseaux, et la plus vive lumière éclaira cette manifestation. Tous s'assirent sur le sofa, Masna, de la proximité, sur la banquette de la majesté et de la gloire. Toutefois, on leur présenta un écrit en leur disant de le lire jusqu'au bout. Or, cet écrit devait leur faire connaître par allégorie leur véritable position. Attar compare l'écrit dont il s'agit ici au reçu que, d'après une légende rabbinico-musulmane, les frères de Joseph firent à Malik, le marchand ismaélien, des 20 pièces d'argent qu'il leur donna de Joseph, confère, Genèse 37, 28, reçu que Joseph montra à ses frères pour se faire connaître à eux, lorsque ces derniers vinrent en Égypte s'offrir en esclavage pour avoir les moyens de vivre, renonçant ainsi à l'eau, c'est-à-dire à l'honneur, pour le pain. Joseph, prétextant que personne ne comprenait ce reçu, écrit en langue hébraïque, leur en demanda l'explication. Mais en l'apercevant, un tremblement convulsif s'empara de leurs membres, leurs yeux se troublèrent, leur langue resta muette. Les cris qui furent remis aux oiseaux produisit sur eux le même effet, car ils y lurent l'histoire de leur vie. Il est deux fois chez les musulmans, que chaque homme recevra, le jour du jugement, un livre où les anges auront écrit ses actions. Le Nouveau Testament nous enseigne la même doctrine. On y lit en effet, Apocalypse 20, 12, des livres furent ouverts, après quoi on en ouvrit encore un autre qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés sur ce qui était écrit dans ces livres, selon leurs œuvres. On chante aussi journellement dans nos églises, Prose des morts, un livre écrit sera produit, dans lequel tout sera contenu. C'était sans doute ce livre mystérieux qui fut remis aux 30 oiseaux et qui leur fit éprouver une telle crainte et une telle confusion que leur corps s'évanouit et que leur âme fut anéantie. Puis, lorsqu'ils eurent été ainsi entièrement purifiés et dégagés de toutes choses, ils trouvèrent en Simorgue une nouvelle vie. Cette singulière croyance de l'anéantissement des êtres avant leur résurrection, qui devient ainsi une véritable création, est un dogme de la religion musulmane fondé sur un texte du Coran, 55, 26, 27. Mais écoutons la suite du récit d'Attar. Les 30 oiseaux, dit-il, revinrent ainsi à la vie et furent de nouveau plongés dans la stupéfaction. Tout ce qu'ils avaient pu faire anciennement fut purifié et entièrement effacé de leur cœur. Le soleil de la familiarité darda sur eux ses rayons et leur âme en fut resplendissante. Alors, dans le reflet de leur visage ces 30 oiseaux, Simorgue visibles contemplèrent la face de Simorgue invisible. Ils se hâtèrent de regarder Simorgue, et ils s'assurèrent qu'il n'était autre que Simorgue. 30 oiseaux, c'est-à-dire eux-mêmes, ils tombèrent tous dans l'ébahissement, ils ignoraient s'ils restaient eux-mêmes ou bien s'ils étaient devenus Simorgue. Ils s'assurèrent enfin qu'ils étaient véritablement Simorgue et que Simorgue était réellement les 30 oiseaux, Simorgue. Lorsqu'ils regardaient du côté de Simorgue, ils voyaient que c'était bien l'être qui régnait en ces lieux, et s'ils portaient leur regard vers eux-mêmes, ils voyaient qu'ils étaient eux-mêmes cet être. Enfin, s'ils regardaient à la fois des deux côtés, ils s'assuraient qu'eux et Simorgue ne formaient qu'un seul être. Cet être était Simorgue et Simorgue était cet être. Alors tous ces oiseaux, plongés dans la stupeur, se livrèrent à la méditation sans pouvoir méditer. Comme ils ne comprenaient rien à cet état de choses, ils interrogèrent Simorgue. Ils lui demandèrent de leur dévoiler ce merveilleux secret, de leur donner la solution du mystère de la pluralité et de l'unité des êtres, à la lettre, du noué du toit. Simorgue leur fit cette réponse. Le soleil de ma majesté, dit-il, est un miroir, celui qui le contemple y voit son âme et son corps, il s'y voit tout entier. Puisque vous êtes venu ici 30 oiseaux, vous trouvez 30 oiseaux, Simorgue, dans ce miroir. S'il arrivait encore 40 ou 50 oiseaux, le rideau qui cache Simorgue serait également ouvert. Quoique vous soyez extrêmement changé, vous vous voyez vous-même tel que vous étiez auparavant. Comment l'œil d'une créature pourrait-il parvenir jusqu'à moi? Le regard de la fourmi peut-il atteindre aux Pléiades? Vit-on jamais cet insecte soulever une enclume, et un moucheron saisir de ses dents un éléphant? Tout ce que tu as cru ou vu n'est ni ce que tu as cru, ni ce que tu as vu, et ce que tu as dit ou entendu n'est pas non plus cela. Lorsque vous avez franchi les vallées du chemin spirituel, lorsque vous avez fait de bonnes œuvres, vous n'avez agi que par mon action, et vous avez pu ainsi voir la vallée de mon essence et de mes perfections. Anéantissez-vous donc en moi, glorieusement et délicieusement, pour vous retrouver vous-mêmes en moi. Les oiseaux s'anéantirent en effet pour toujours dans Simorgue, l'ombre se perdit dans le soleil. Telle est la conclusion du célèbre poème allégorique que je viens de faire connaître. Le dernier chapitre de Mukadesi est une sorte de résumé du Mantique Utahir, mais le dénouement est à la fois moins hétérodoxe et plus touchant. En outre, il offre une louable et adroite critique du paradis musulman, qui semble, d'après les textes du Coran, et surtout d'après les catéchismes populaires, ne consistait qu'en des plaisirs terrestres. Ainsi, par exemple, nous lisons à l'article Jinavejahanam, le paradis et l'enfer, d'Urisalai Birkevi, traité de Birkevi, ou, Birgilu, sur la religion musulmane le plus répandue en Turquie et le plus étudiée dans les écoles. On doit reconnaître que le paradis et l'enfer sont réels et certains, et qu'ils existent dès à présent, que les élus une fois entrés dans le paradis demeureront toujours sans en jamais sortir. Que là, ils ne mourront point, ne vieilliront point, n'éprouveront aucune espèce de changement, qu'ils seront à l'abri des besoins de cette vie, que leurs vêtements ne s'useront point, que les houris et les femmes élues seront exemptes des infirmités de leur sexe, qu'elles n'auront point d'enfants, que les habitants du ciel auront sur le champ les mets et les boissons qu'ils désireront, sans avoir besoin de s'en mettre aucunement en peine, que la terre du paradis est de musc, et que les briques de ces édifices sont l'une d'or, l'autre d'argent. Voici donc, en abrégé, le morceau de Mukadesi dont j'ai parlé et qui est plein de charme dans l'original. Lorsque les oiseaux furent arrivés dans l'île de ce roi, ils y trouvèrent tout ce que l'âme peut désirer et tout ce que les yeux peuvent espérer de voir. On dit alors à ceux qui aimaient les délices de la table ces mots du Coran, « Prenez des aliments sains et légers en récompense du bien que vous avez fait sur la terre », Sourate 69, 24, à ceux qui avaient du goût pour la parure et pour la toilette, ces mots du même livre, ils seront revêtus d'étoffes précieuses et d'habits moirés, et seront placés en face les uns des autres, Sourate 18, 30, et 56, 16, à ceux pour qui les plaisirs de l'amour avaient le plus d'attrait, nous les avons unis, aux houris célestes, Sourate 52, 20. Mais lorsque les contemplatifs s'aperçurent de ce partage, quoi, dirent-ils, ici comme sur la terre, notre occupation sera de boire et de manger. Quand donc le dévot pourra-t-il se consacrer entièrement à l'objet de son culte? Quand obtiendra-t-il l'honneur qu'appellent ses vœux brûlants? Nous ne voulons que ce roi pour qui nous avons traversé des montagnes, franchi tant d'obstacles divers et supporté avec patience la soif ardente du midi. Nous faisons d'ailleurs peu de cas des parures et des autres agréments. Nous le jurons par Dieu même, nous ne voulons que lui, c'est lui seul que nous désirons posséder. Qu'avez-vous apporté ? Leur demanda le roi. L'humilité qui convient à tes serviteurs, lui répondirent-ils. Retournez-vous-en, leur dit-il, Dieu n'a pas besoin de vous. Seigneur, répliquèrent-ils, nous savons que tu n'as pas besoin de nous, mais personne parmi nous ne peut se passer de toi. Tu es l'être excellent et nous sommes dans l'abjection, tu es tout puissant et nous sommes la faiblesse même. Comment pourrions-nous retourner au lieu d'où nous venons? Nos forces sont épuisées, notre existence elle-même est détruite. Par ma gloire et ma dignité, dit alors le roi, puisque votre pauvreté volontaire est vraie et que votre humilité est certaine, je dois vous retirer de votre position malheureuse. Alors le Seigneur les combla de bonheur. Ils prirent leur vol avec les ailes de la familiarité, en présence de Gabriel, pour saisir le grain sans tache du chaste amour. Enfin, ils virent ce que l'œil n'a jamais vu, et ils entendirent ce que l'oreille n'a jamais entendu. Confère, Isaïe 64, 4, Saint Paul, 1, Corinthiens 2, 9. Markemdanarchive.org 2021, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.